Elles n'avaient pas le droit de sortir du jardin, leurs parents leur avaient strictement interdit. Mais si elles creusaient un trou suffisamment profond, elles finiraient bien par arriver quelque part, probablement dans un pays lointain, à l'autre bout de la terre. Et tout cela sans avoir eu à quitter le jardin de leur maison.